En Corée, tout le peuple assiste les régions sinistrées du nord du pays. Les trains et les camions chargés des matériaux d'assistance préparés par la population arrivent sans cesse dans les régions inondées. Jusqu'au 12 septembre, plus de 1000 tonnes de céréales, beaucoup de produits alimentaires ainsi que des millions de vêtements, literie, ustensiles de ménage et d'autres articles indispensables à la vie ont été distribués aux sinistrés. Les ouvriers de nombreuses usines et entreprises relevant du ministère de l'Industrie légère envoient successivement dans les régions sinistrées beaucoup de vêtements et de chaussures qu'ils ont produits en mobilisant toutes les réserves potentielles et possibilités. Également, beaucoup de produits pharmaceutiques, des milliers de tonnes de ciment et des centaines de tonnes de matériaux en fer et en acier et carburant sont arrivés au chantier de relèvement.